Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Deux ressortissants de la province de Cibitoke ont été tués ce matin par des éléments de l'armée rwandaise de l'autre côté de la frontière. Même les corps n'ont pas été récupérés jusqu'à maintenant. Agathon Rwasa n'a plus le droit de réunir ses militants, du moins officiellement, parce que les coalitions n'existent plus après les élections, alors que ce député s'était présenté aux élections comme membre de la coalition Amizero Yabarundi. Et une quarantaine de jeunes chassés de la mairie de Bujumbura par la police sont détenus au cachot de la police judiciaire de Ngozi. Et en actualité africaine, toujours pas de résultat de l'élection présidentielle de samedi au Gabon et l'ambiance reste tendue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je venais de vous le dire, deux ressortissants de la province de Cibitoke ont été tués ce matin par des militaires de l'armée rwandaise. Il s'agit d'un groupe de 9 personnes qui allaient vendre clandestinement des aubergines au Rwanda. Les 7 personnes restantes ayant pu échapper à la traque de l'autre côté de la frontière sont gardées au cachot de la police à Rugombo pour enquête, comme le confirme le porte-parole de la police nationale, Pierre Nkurikiye, qui indique en outre que les deux corps et les sacs d'aubergines ont été emportés par ces militaires. Il y a deux Burundais qui ont été tués fusillés par les militaires rwandais sur le sol rwandais. C'était vers 3h40 lorsqu'un groupe de Burundais vendait clandestin des produits vivriers de Cibitoke. Un groupe de 9 personnes a franchi clandestinement la frontière entre le Rwanda et le Burundi en traversant Ruhwa avec leur sac d'aubergine. Et le groupe a été stoppé par les militaires rwandais. Alors le militaire a fusillé la première personne. Il y en a qui ont pu s'enfuir, mais le militaire a fusillé la deuxième personne. Et maintenant, alors, les deux Burundais qui ont été fusillés par ces militaires rwandais sont Niyonkuru Fidel, de 25 ans, et Nyabenda Jérémy, de 23 ans, tous de la colline Rukana 1, en zone et commune de Rugombo, de la province Cibitoke. Et après, alors, les militaires rwandais, eux aussi, sont descendus au niveau de la frontière. Ils ont d'abord récupéré les sacs d'aubergines que ces Burundais avaient. Ils ont récupéré les deux corps des Burundais qui ont été fusillés. Et ils sont partis avec vers en destination de la position militaire. Oui, certaines sources à Cibitoke parlent de 8 personnes qui sont en train d'être interrogées à Rugombo et 2 disparus et 2 tués. Dans le rapport que nous avons, c'était 9 Burundais qui avaient traversé la frontière. Et 2 ont été tués et les 7 qui en sont revenus sont maintenant en train d'être interrogés par la police. Ils n'ont pas encore révélé s'il y aurait d'autres personnes en plus des 9. Peut-être d'autres actions pourront être menées par d'autres institutions concernées. Pierre Nkurikiye, c'est le porte-parole de la police nationale au téléphone tout à l'heure avec Marie-Ange Nzeyimana. Il n'est interdit à aucun parti politique d'organiser des réunions à travers le pays. Mais les fidèles du député Agathon Rwasa ou ceux des autres coalitions n'ont pas le droit de se rencontrer puisque les coalitions n'existent que pendant les élections et que ce député s'était présenté aux élections en tant que membre de la coalition Amizero Yabarundi. L'assistant du ministre de l'Intérieur qui donne cet éclairage rejette néanmoins l'idée selon laquelle les jeunes Imbonerakure malmènent sur les collines et les membres des autres partis politiques ou coalitions. Suivez Terence Nairaja, il est aussi porte-parole du ministère de l'Intérieur. C'est un concept qui a été manipulé par certains politiciens qui voudraient diaboliser et le gouvernement et le parti au pouvoir dans la mesure où ils accusaient les deux institutions de distribuer des armes aux immigrants pour tuer. C'était une façon de distraire l'opinion nationale et internationale parce que les gens qui ont attaqué en plein qui ont rendu ici et ailleurs n'étaient pas les immigrants à courir. Souvenez-vous même pendant les élections de 2015, les gens qui ont tué les immigrants à courir qui l'ont fait. Point d'interrogation. Alors, ce qu'ils ont raconté, je pense que c'est une manière de diaboliser le gouvernement. Si vous les demandez en cas précis, ils ne peuvent pas trouver. Et comment évaluez-vous la cohabitation politique à travers le pays? La cohabitation politique elle est bonne parce que jusqu'à maintenant, la loi qui régit la tenue des réunions elle est là. Et nous n'avons en aucun cas empêché aucun parti politique de faire une réunion. Comment le fait-on? Si un parti politique fait faire une réunion, il adresse une correspondance, si c'est au niveau communal et provincial national, au niveau concerné, d'informer qu'ils voudraient tenir une réunion de leur association, de leur parti politique. Et cela doit être fait quelques jours avant. Si l'autorité compétente ne répond pas, c'est qu'il accepte. S'il répond positivement, c'est aussi correct. Est-ce que l'honorable Agathon Rwasa a droit de rencontrer ses fidèles? Agathon Rwasa a été élu comme un indépendant à Missouri à Barundi. Or, le deuxième alinéa de l'article 8 de loi sur les partis politiques est clair. Il est précisé que, justement, la coalition est une rassemblement momentanée. Mais après les élections, ces coalitions ne sont pas acceptables. Donc, il ne peut pas tenir des réunions politiques comme les pandas si ce n'est pas la période électorale. Comme il a été élu, il doit être là, exécuter des lois. N'est-ce ou bien, pas les moyens de diminuer politique. Son espace politique. Non, ce n'est pas diminuer, c'est la loi, c'est clair. La loi définit comment les partis politiques, les associations, les églises font leurs réunions. Et c'est tout. C'est ce que ne définit pas la loi. Terence Nheiraja, porte-parole du ministère de l'Intérieur, au micro de Ban Niyonguru. 40 jeunes garçons chassés de la capitale burundaise par la police sont passés cette nuit au cachot de la police judiciaire de Ngozi. La police et l'administration disent qu'elles comptent ramener ces derniers sur leur colline d'origine. Apollinaire Monzagara. Ces jeunes garçons ont été amenés dans ce cachot ce mardi soir par un véhicule de la police en provenance de Bujumbura. 33 sont de la province Ngozi, 5 de Muyinga et 2 de Kirundo. Selon le commissaire provincial de la police, les personnes ont été chassées de la capitale parce qu'elles n'y faisaient rien comme travail et ce n'est par conséquent le désordre. Les jeunes sont hébergés dans ce cachot en attendant que les administrateurs communaux passent pour que chacun amène à son tour les siens sur leur colline d'origine, précise le commissaire Abraham Bigindad. Ceux d'autres provinces seront acheminés au chef-lieu de leur province d'origine pour suivre la même autorité policière. Dans ce cachot se trouvent aussi 10 enfants de la rue rafraîchis par la police pour être également envoyés chez eux. Après à peu près 3 semaines dans ce cachot, ces enfants souffrent de maladies et sont affamés. Les défenseurs des droits des prisonniers demande que ces personnes soient vite acheminées chez elles pour éviter ces mauvaises conditions de détention, étant donné qu'elles n'ont personne aux environs pour leur venir en aide, ni en médicaments, ni en nourriture. Donc aussi, Apone Mutagara, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 13h02 à Bujumbura. Le manque de bus de transport au parking du sud de la capitale s'observe toujours et surtout ceux qui font la liaison Ville-Kanyosha. Les habitants de cette localité se plaignent de devoir donner 600 francs burundais exigés à ceux qui vont normalement à Ruziba, plus loin de Kanyosha, mais ils s'y résignent afin d'arriver à temps chez eux après les heures de travail. De son côté, le chef disciplinaire sur ce parking n'y s'est fait, expliquant dans le même temps que c'est l'embouteillage qui est à l'origine de ce problème. Voici les détails dans ce reportage de Karine Boutoyi et les stagiaires à notre station. Comme nous l'avons observé sur ce parking, la population de cette localité préfère prendre le bus de Ruziba afin d'arriver à temps à leur domicile, comme ses habitants l'expriment. Prendre le bus de Kanyosha dans 5 jours, c'est risquant. On peut même vous voler tout ce que vous avez. C'est pourquoi nous préférons payer 600 francs pour arriver au moins à temps à la maison. Pour celui-ci, la présence de la police et des journalistes sur ce lieu a facilité les uns à avoir le bus. Si vous regardez bien, vous voyez que les bus de Kanyosha commencent à circuler sur le parking. Pourquoi ça? Parce que vous, les journalistes, vous avez parlé ça. Sans oublier la police qui a pris en main cette question. Avant, cela ne se passait pas ici. Le responsable disciplinaire de ce parking, interrogé sur la question, explique que ce problème existe depuis longtemps. Mouette Ferdinand indique que l'embouteillage est à l'origine de ce phénomène. Ils se plaignent encore que les bus de Kanyosha leur font payer un ticket de 600 francs, expliquant qu'ils vont à Ruziba alors que ce n'est pas vrai. En fait, c'est un problème de routine. Quand ils voient qu'ils passent beaucoup de temps ici, ils prennent les bus de Ruziba, mais cette colère due au paiement de 600 francs, ils disent qu'on leur font payer 600 francs alors que réellement c'est 300 francs. Le principal problème est l'embouteillage dans l'après-midi. Nous demandons qu'on revoie la circulation en ville pour diminuer l'embouteillage dans les routes, car un véhicule qui normalement fait 30 minutes aller-retour à Ruziba et passe 2 heures, voire même 3 heures, ce problème persistera encore. Même si on amènerait 1 million de voitures dans son parking pour déplacer les passagers de Kanyosha, il s'observera encore plusieurs gens dans son parking à cause des embouteillages dans les rues. Mais la réponse donnée par ce responsable suscite des inquiétudes au moment où les bus de Kanyosha partagent la même route que ceux de Ruziba. Karine Boutoyi, la station Mogas est la seule qui est en train de servir de l'essence sur les 7 se trouvant dans la ville de Gitega ce mercredi. Cette situation étonne les propriétaires des stations qui disent qu'ils ont déjà payé, mais que les responsables pétroliers du parc pétrolier de Gitega refusent de leur donner du carburant. Et cela sans explication, au moment où les camions qu'il importe de la Tanzanie ne cessent de le décharger dans ce site. Les responsables de ce parc nous ont renvoyé à la Direction générale du pétrole. Et le taux de change est fixé sur base de la disponibilité des réserves à la Banque centrale. Le chercheur professionnel de l'Institut de développement économique, IDEC, dit que la carence de devises au niveau des bureaux de change est liée au fait que ces bureaux n'ont plus le droit de s'approvisionner au niveau de la Banque centrale. Suivez Salomon Sayumana qui propose la collaboration entre la Banque centrale et les bureaux de change. Salomon Sayumana, il est chercheur professionnel au sein de l'IDEC. On dirait qu'il travaille à perte, c'est à relativiser parce que jusque là, on n'a pas encore quels sont les montants exacts que les bureaux de change effectuent par jour. Mais par rapport à cette question de fond, la problématique est liée beaucoup plus aux sources d'approvisionnement de ces bureaux de change. C'est-à-dire, la Banque centrale fixe le taux de change officiel sur base des disponibilités, des réserves dont elle dispose à travers un mécanisme défini au niveau de la Banque centrale. Mais au niveau du fonctionnement du marché de change, c'est qu'à un certain moment, les bureaux de change s'approvisionnaient au niveau de la Banque centrale. Ils avaient un guichet. Après, on leur a demandé de s'approvisionner au niveau des banques commerciales. Mais après, on a dit que les bureaux de change n'ont plus accès aux devises des banques centrales. C'est-à-dire que les bureaux de change fonctionnent avec des devises qui viennent sur le marché, soit les gens qui vont en mission, qui viennent avec quelques reliquats, soit les gens qui veulent des devises, qui veulent importer, ou bien des transferts qui viennent comme ça dans les poches. Donc à ce niveau, plus ils ont acheté en dollars cher, plus ils vont le vendre cher. Mais le problème, c'est de dire comment il faut faire pour que cette devise ne soit pas chère et pour que ces bureaux de change continuent à fonctionner. Donc c'est une question qui, de mon point de vue, comme je l'ai dit dans mon exposé, nécessite une collaboration des acteurs. Le régulateur, le contrôle du marché de change, c'est la Banque centrale. Et à ce niveau, les bureaux de change sont des acteurs sur ce marché. Mais ils travaillent sous la loi de la Banque centrale. Donc pour moi, il faudrait une collaboration des acteurs du marché de change, la Banque centrale, les bureaux de change, les banques commerciales, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on définisse une marge qui soit acceptable pour les uns pour les autres. Salomon Sayumana, chercheur professionnel au sein de l'IDEC, l'Institut de développement économique, qui s'exprimait au cours d'un atelier de validation des projets d'articles de revue de l'IDEC. Parlons maintenant environnement. Des réunions de sensibilisation sont organisées à l'endroit de la population riveraine des forêts pour prévenir les feux de brousse. Théophile Ndaroufatiye, assistant du ministre de l'Environnement, fait savoir que les enquêtes sont en cours pour connaître les auteurs de ces feux et précise qu'elles sont en train d'être menées par des instances habilitées. Théophile Ndaroufatiye. Nous organisons des séances de sensibilisation à l'endroit de la population, plus particulièrement la population riveraine des aires protégées. Le ministère a adressé des correspondances aux gouverneurs des provinces pour leur demander de faire tienne la question de protection de l'environnement sans mettre à côté la question relative aux feux de brousse. La question donc était mise aux mains de l'administration, notamment l'administration provinciale, communale, mais aussi des forces de l'ordre, la police et les chargés de la justice. Avez-vous déjà eu des informations de ceux qui incendient ces forêts ou ces brousses? Les enquêtes ne sont pas menées par notre ministère. Les enquêtes sont chargées par les officiers de police judiciaire et le parquet. Et quand il y a une situation d'incendie qui se prononce par-ci, par-là, il revient à ces institutions-là de pouvoir entamer des enquêtes et pouvoir identifier les auteurs de ces infractions. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, le Gabon est dans l'attente des résultats de la présidentielle à tour unique de samedi dernier pour connaître le nom de son prochain chef de l'État, le sortant Ali Bongo ou l'opposant Jean Ping. La commission électorale devait se réunir en plénière mardi soir, mais ses travaux n'ont commencé que mercredi 31 août en matinée. Selon plusieurs sources, le retard pris dans l'annonce des résultats s'explique par l'absence de certains procès-verbaux. En attendant les résultats, le camp du président sortant Ali Bongo dénonce des ingérences conférence multiple au bénéfice de M. Ping visant la France et un présumé proche du président ivoirien. Le gouvernement gabonais, lui, a ouvertement accusé Mamadi Diané, un conseiller d'Alassane Ouattara, d'être de connivence avec le candidat de l'opposition. Et en Syrie, le groupe État islamique a annoncé ce mardi 30 août le décès de son porte-parole et responsable des attentats à l'étranger. Abu Mohamed al-Adnani, l'un des plus anciens dirigeants de l'organisation, est mort à Alep, dans le nord de la Syrie, en supervisant les opérations destinées à repousser les campagnes militaires contre Alep. L'agence Amaq, organe de communication de l'État islamique, ne précise pas la date exacte de son décès. Abu Mohamed al-Adnani s'était fait connaître en exhortant les partisans de l'État islamique à tuer dans leur pays d'origine. Enfin, le magazine américain Wired, spécialisé dans les technologies et le numérique, a annoncé ce mardi 30 août que Barack Obama deviendra en novembre, pour un numéro seulement, le rédacteur en chef du journal. Une date qui coïncide avec le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis prévue le 8 novembre prochain. En attendant de savoir qui de Hillary Clinton ou de Donald Trump lui succédera à la Maison-Blanche, Barack Obama, lui, a tout le loisir de songer à sa reconversion. Première étape, la rédaction en chef d'un magazine. Il est 13h11 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un bon après-midi.